Piste 8. 8. C. 1. Bonjour, je m'appelle Léa Berthaud, directrice de Donan. Moi, c'est Anouk de Cellier, directrice de l'ACTOL. Enchantée, vous allez bien ? Ça va bien, merci. Deux. Ça va, Paul ? Oui, monsieur. Et vous ? Ça va très bien, merci. Passe le bonjour à ton père, d'accord ? D'accord. À bientôt, monsieur. Au revoir.